Partir, c'est tout ce que je te demande. Partir avec moi. Me suivre, c'est tout ce que je te demande. Me suivre, mais tu as le choix. Entre ce pays froid où l'entente s'efface, où les gens ne se parlent que rarement face à face, et une île à côté, tes plus beaux continents, unis à l'Indien Océan. Veux-tu venir avec moi? Comment, bébé? Partir rien que toi et moi. Let's go, honey. Veux-tu venir avec moi? Comment, bébé? Partir rien que toi et moi. Partir, rien laisser derrière soi. Emporter son sourire, des disques de la joie. Me suivre, c'est moins dur que tu crois. Si tu m'aimes, c'est ta confiance en moi. À ce pays trop froid où l'entente s'efface, où les gens ne se parlent que rarement face à face. Moi je préfère cette île qui soumet des volcans, cette île à l'Indien Océan. Veux-tu venir avec moi? Comment, baby? Partir rien que toi et moi. Let's go, honey. Veux-tu venir avec moi? Comment, baby? Partir rien que toi et moi. Partir, c'est tout ce que je te demande. Avec moi, revive-moi individually. Sur une île, on devient humaniste. Oh, yeah. La métropole isole dans ses lois camisole.